Merci Manu Farine, à la semaine prochaine. Alors que les vacances de Noël approchent à grands pas, l'équipe de La Méthode, comme chaque année, a revêtu son costume rouge et blanc pour vous déposer avant l'heure un cadeau sous le sapin. Cette année, nous ne sommes pas peu fiers de recevoir le lauréat de 4 prix Hugo, 4 prix Nebula et 4 prix Locus, le tout pour seulement 2 recueils parus. Sans doute l'un des nouvellistes de science-fiction le plus passionnant de notre époque. L'un de ses textes a déjà été adapté au cinéma par Denis Villeneuve dans le film Premier Contact. Son nouveau recueil, Expiration, confirme ses immenses talents qui empruntent autant à Greg Egan qu'à Borges. Ted Chiang est notre invité. Ted Chiang, Expiration, Inspiration, c'est le programme de fête qu'il note pour l'heure qui vient. Bienvenue dans La Méthode Scientifique. Mais avant de retrouver Ted Chiang, on fait le tour express cette semaine de l'actualité des sciences avec le journal des sciences de Natacha Triou. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence avec une étude parue dans la revue Nature Communications Earth and Environment qui a calculé la probabilité de vivre sur une planète habitable. Oui, la Terre est propice à la vie depuis 3 à 4 milliards d'années. C'est une période de temps extraordinairement longue, suffisamment longue pour que des formes de vie unicellulaires évoluent en être humain. Mais quelle est la part de chance dans tout ça? Pour répondre à cette question, un chercheur britannique a utilisé un supercalculateur et a simulé l'évolution du climat de 100 000 planètes différentes. Chacune de ces planètes a été simulée 100 fois avec des événements aléatoires différents qui modifient le climat. Un impact d'astéroïdes, une période de volcanisme, etc. Les résultats de cette simulation sont très clairs. Seulement 9% de ces planètes ont réussi au moins une fois à être habitables. Mais seulement dans quelques cas de figure, il s'agit de probabilité et non pas de certitude, et dans l'ensemble, elles ne restaient qu'occasionnellement habitables. Le chercheur rappelle que la Terre est statistiquement exceptionnelle et que son habitabilité est précaire. Par exemple, si l'astéroïde qui l'a frappé il y a 66 millions d'années avait été légèrement plus gros, ou s'il était tombé à un autre moment, notre planète aurait peut-être complètement perdu son climat hospitalier. Cette étude montre que le hasard est l'un des facteurs majeurs de l'habitabilité d'une planète. En bref, selon un rapport de la DRES, la Direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques, l'espérance de vie en bonne santé en France a augmenté. Oui, pour les hommes et pour les femmes. À partir d'une enquête auprès de 14 000 ménages en France, la DRES a mesuré l'espérance de vie sans incapacité. C'est un indicateur de santé publique qui signifie le nombre d'années qu'une personne peut espérer vivre sans souffrir dans les gestes de sa vie quotidienne. En 2019, une femme âgée de 65 ans peut espérer vivre en moyenne 11 ans et demi sans incapacité et 18 ans et demi sans incapacité sévère. Pour les hommes du même âge, c'est 10 ans et demi en bonne santé et 15 ans et demi sans incapacité sévère. En Europe, c'est l'une des meilleures moyennes. En bref, toujours selon une étude parue dans la revue Zoological Journal of the Linnean Society, les fossiles d'un Tecodontosaurus antiquus ont permis la reconstitution de son cerveau. Et ce dinosaure vieux de 205 millions d'années fait la taille d'un loup et appartient pourtant à la famille des Diplodocus. Une équipe internationale a analysé des fossiles par scanner et a réussi à reconstituer sa boîte crânienne en 3D, mais aussi à reconstituer les empreintes laissées par son cerveau. La grande taille des lobes floculaires, qui tiennent un rôle important dans l'équilibre et dans la marche, ces lobes floculaires ont permis aux chercheurs de découvrir la bipédie de cette espèce, alors qu'on l'a pensé jusqu'à présent quadrupède. Les chercheurs ont même pu reconstruire l'anatomie des oreilles internes et même reconstituer son régime alimentaire. Dans le journal des sciences, cette semaine, il a été question d'un nouveau traitement antiviral, d'une variante du SARS-CoV-2 identifiée en Angleterre, de la découverte de l'orbite très étrange d'une exoplanète, de prédispositions génétiques aux formes graves du Covid-19, mais également, cette semaine, dans l'actualité des sciences, Natacha, en ultra bref. Cette semaine, les États-Unis ont autorisé la consommation de porcs génétiquement modifiés, les porcs GALESAFE. La FDA a annoncé que la viande de porc OGM est sans danger pour la population en général. L'agence américaine a aussi autorisé les cochons OGM pour une utilisation thérapeutique, comme pour des médicaments ou pour des xénogreffes. En 2017, le télescope spatial Hubble a observé un étrange vortex sur Neptune. Une immense tempête noire de 7400 km dans l'hémisphère nord. Un vortex qui se comporte de façon étrange et inattendue. Alors que les astronomes s'attendaient à le voir disparaître, il a changé de direction. La formation et l'évolution des tempêtes neptuniennes restent encore mystérieuses. Et si le naufrage du Titanic avait été provoqué par une aurore boréale? C'est l'hypothèse de chercheurs américains. Selon les témoignages des sauveteurs et des survivants de la catastrophe, une aurore boréale se serait bien produite dans la nuit du 14 avril 1912. Le phénomène magnétique aurait peut-être perturbé les instruments de navigation et de communication du paquebot. Et enfin, cette semaine, on découvre qu'il existe des accents chez les babouins. C'est ce que révèle l'analyse d'enregistrement de plusieurs grognements de primates issus de deux groupes différents. La structure acoustique, la fréquence, la durée et le ton des grognements sont sans équivoque. Ils varient selon l'appartenance à un groupe. Dans quelques minutes maintenant, nous retrouverons Ted Chiang pour ce petit cadeau de Noël de fin d'année, auteur du recueil de nouvelles Le Deuxième Expiration chez De Noël. Mais avant ça, on fait un tour par le journal de l'ASF. Et on commence avec un nouveau satellite commercial qui peut surveiller jusque dans notre salle de bain, Natacha. Oui, l'entreprise californienne Capella Space, dont le PDG est un ancien ingénieur de la NASA, a présenté des images satellitaires assez impressionnantes. Ce nouveau satellite, qui a été lancé au mois d'août, peut scruter les bâtiments, de nuit comme de jour, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, avec une image nette, si nette que l'on peut même voir à l'intérieur des pièces d'un immeuble. Alors sur les nombreux satellites de surveillance en orbite, dans le secteur privé, c'est la résolution la plus haute au monde, avec une résolution de 50 cm sur 50 cm. Alors contrairement à l'imagerie optique, ce satellite utilise un radar à synthèse d'ouverture, ou SAR. Un peu comme les dauphins ou les chauves-souris qui utilisent l'écholocalisation, le satellite émet un puissant signal radio de 9,65 GHz vers sa cible, puis il capte et interprète le signal lorsqu'il rebondit en orbite. Avec cette fréquence, vous pouvez pénétrer les nuages, le brouillard et la fumée. Selon Capella Space, cette technologie se démocratisera rapidement. L'entreprise veut créer une constellation de satellites SAR et prévoit le lancement de 6 satellites supplémentaires l'année prochaine. Le Danemark va inaugurer la plus grande ferme verticale d'Europe. Et si l'agriculture verticale est en plein développement en Asie, elle reste encore peu répandue en Europe. La compagnie Nordic Harvest a donc créé une usine à légumes dans un hangar. 7000 m2 sont dédiés à la culture du chou, de la salade et des herbes aromatiques, hors du sol et sans soleil. Dans cette ferme high-tech, 6 rangées d'étagères sur 14 étages devront produire 2,7 tonnes de salade en 2021. La température ambiante, le niveau de l'humidité, la teneur en COD, tout est sous contrôle et permet ainsi 15 récoltes par an, sans pesticides. Ce sont des rendements 200 fois plus élevés que ceux de l'agriculture traditionnelle. Selon une étude parue dans Cyber Psychology, Behavior and Social Networking, les robots peuvent nous encourager à prendre des risques. Le robot m'a forcé à le faire, c'est le titre de cette étude britannique. Les chercheurs ont invité 108 étudiants à faire l'exercice du BART, qui permet d'évaluer les capacités de prise de risque d'un individu. Les participants sont invités à gonfler virtuellement un ballon. Chaque coup de pompe rapporte de l'argent, mais le ballon peut exploser à tout instant et vous faire perdre vos gains. Les étudiants ont passé ce test seuls, puis avec un robot silencieux, puis avec un robot sympathique et encourageant, qui posait des questions comme « Mais pourquoi t'arrêtes-tu maintenant ?» En compagnie du robot gentil, les étudiants ont gagné beaucoup plus que lorsqu'ils étaient avec le robot silencieux, ou quand ils étaient tout seuls. Cela signifie donc qu'ils ont pris plus de risques et que les mots d'encouragement, même de robots, font mouche. L'étude ne parle pas du robot père fouettard que l'on peut utiliser en période de fête. Allez, Natacha, deux nouvelles séries de science-fiction à venir. Oui, Disney a annoncé que la saga Alien allait être développée en série. Une série diffusée sur FX Hulu et réalisée par Noah Hawley, le showrunner de la série Fargo. Alors, ces nouvelles aventures ne se dérouleront plus dans l'espace ou sur une planète lointaine, mais sur Terre, dans un futur proche. Ridley Scott serait en pourparlers pour superviser la série en tant que producteur exécutif. Et autre série attendue, The Stand, adaptée du roman apocalyptique de Stephen King, Le Fléau en français, une mini-série de 9 épisodes pour CBS All Access qui sera diffusée en France à partir du 3 janvier sur la plateforme Starplay. Elle est écrite par Benjamin Cavell, le scénariste de la série Homeland. Et l'histoire raconte une pandémie de super grippe qui décime la quasi-totalité de l'humanité. Et comme chaque vendredi, on termine par la rubrique de sciences improbables avec l'un de vos sujets favoris, Natacha. On le sait, ça va parler de toutou encore, de chiens cette fois-ci, mais pas seulement de chiens, en fait de kangourous qui se comportent comme des chiens. C'est une étude parue dans Royal Society Biology Letters. Oui, le kangourou, que l'on sait être une espèce plutôt farouche, a un point en commun avec le chien. Des chercheurs australiens ont mené une expérience assez connue avec 16 kangourous en captivité. L'expérience, c'est celle où on apprend à un animal à trouver une friandise cachée dans une boîte, puis dans un second temps, à complètement fermer cette boîte pour l'empêcher d'accéder à la friandise, et on observe sa réaction. Le loup, par exemple, pendant cette expérience, va faire tout pour ouvrir la boîte, il n'en démord pas. Le chien et le kangourou vont, eux, se tourner très rapidement vers un humain pour obtenir de l'aide. Les chercheurs disent avoir été très surpris par le regard insistant des marsupiaux. Vous comprenez mieux maintenant pourquoi je viens vous chercher quand je n'arrive pas à ouvrir ma petite friandise de l'après-midi. Et pourtant, je n'ai pas de poche ventrale. Merci beaucoup, Natacha. On vous retrouve lundi pour le prochain Journal des Sciences. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Son premier recueil de nouvelles, La Tour de Babylone, interrogeait pêle-mêle la consistance de l'algèbre et imaginait que les mathématiques étaient fausses, mettait en prise une linguiste et des extraterrestres dont le langage permet de se souvenir du futur, imaginait une société steampunk où la cabale juive invente des mots pour animer la matière, voire un monde où tout ce qui est écrit dans l'Ancien Testament est vrai. Dans son nouveau recueil Expiration, édité chez De Noël, Ted Chiang poursuit dans la lignée d'une science-fiction puissante, riche, allégorique, philosophique et j'en passe, et nous sommes ravis de le recevoir aujourd'hui. Hello Ted Chiang. Hello. Merci beaucoup d'être avec nous. I'm very happy to be here. C'est Xavier Combes qui va assurer votre traduction. Bonjour Xavier. Ted Chiang, vous êtes un auteur aussi rare que précieux, une vingtaine de nouvelles en 30 ans. Vous disiez dès 1991, après avoir gagné le prix Nebula pour la Tour de Babylone, que gagner ce prix avait été déconcertant et que vous aviez senti le poids de l'attente, ce qui avait rendu l'écriture assez difficile. Est-ce que 30 ans après ce premier prix, vous sentez toujours ce poids, cette attente du public ? I don't feel the same pressure that I did. Le poids n'est pas le même qu'à l'époque, parce que c'était la première fois que j'étais publié. C'était une expérience très étrange que de passer du statut de scribouillard non publié à écrivain qui gagne un prix. Cette transition n'a pas été aisée. Aujourd'hui, je sens un certain poids, mais c'est surtout parce que j'écris lentement. Les idées ne me viennent que rarement. Et par ailleurs, je suis tout à fait conscient du fait que je devrais écrire davantage. Mais bon, c'est la pression qui pèse sur les épaules de toute personne qui écrit, je pense. Vous creusez le sillon d'une science-fiction qui est à la fois scientifique et philosophique. Comment est-ce que vous diriez, est-ce que vous avez le sentiment que depuis la Tour de Babylone, depuis 30 ans, avec aujourd'hui Expiration, votre écriture a progressé ou est-ce que vous continuez à creuser le même sillon ? I'm probably not the right person to ask about the ways my writing has changed. Je pense pas que ce soit moi qui faille poser cette question d'évolution de mon écriture. Personnellement, il me semble que la façon dont je perçois la fiction, ou du moins la façon dont j'essaye d'utiliser la fiction, tout cela n'a guère changé. Il y a des gens qui m'ont dit que mon deuxième recueil de nouvelles était plus pétri d'espoir que le premier. Je n'étais pas conscient de cela. Ça m'a quelque peu surpris. Mais, à bien y réfléchir, pourquoi pas? Alors, peut-être que la tonalité de mon écriture a changé. Mais bon, je n'ai pas pris conscience de ce phénomène-là avant qu'on me le fasse remarquer. Sur votre processus d'écriture, vous l'avez dit, hein, vous l'avez dit dans plusieurs interviews, vous êtes un écrivain lent, vous prenez du temps à imaginer des histoires. Ça n'a pas accéléré, vous êtes toujours sur le même tempo. I have definitely not accelerated. En tout cas, une chose est sûre, j'ai décéléré. Je crois qu'il y a pas mal d'écrivains qui se rendent compte que ce travail est plus difficile au fil des années. Parce que plus on a d'ancienneté dans le domaine de l'écriture, si je puis dire, plus on devient conscient de la difficulté des décisions. Il y a des possibilités qui s'offrent à vous, qui sont de plus en plus nombreuses et les choix sont de plus en plus difficiles à opérer. Donc je crois que je suis plus conscient de l'énormité de la tâche qu'est l'écriture. Je m'en rends plus compte maintenant qu'avant. Tout ça pour dire que non, je n'ai pas du tout accéléré. Et la conscience, ça rend le processus d'écriture ou le processus d'invention, d'imagination plus difficile ? Maybe both. Ah ben les deux, mon colonel. I guess I think that this is probably true of a lot of people that, you know, when you're young, quand on est jeune, il y a beaucoup de choses qui vous semblent stimulantes, exaltantes. Le champ des possibles est plus vaste. Yeah, so I think that is not as true when you get older. Mais à mesure que l'on vieillit, c'est de moins en moins vrai. Par conséquent, il est plus difficile de trouver une idée stimulante. Et s'agissant du processus d'écriture, plus on avance, plus on devient exigeant. Parce qu'on place la barre de plus en plus haut pour ce qui est de la qualité de la phrase. Mais encore une fois, je ne parle que de moi-même. Je ne sais pas si c'est général, ce que je vous dis là. Il y a peut-être des gens qui trouvent que l'écriture est de plus en plus facile quand on avance en âge. Alors on va revenir évidemment plus en détail sur ces 9 nouvelles dans ce recueil Expiration publié chez De Noël. Hein, je le reprécise en français, c'est traduit et il faut que je retrouve la bonne page. La voilà. En français, c'est traduit par Théophile Cerciron. Mais avant cela, Ted Chiang, je voudrais vous faire écouter les mots d'un auteur auquel, personnellement, je ne peux pas m'empêcher de penser à chaque fois que je lis vos textes. Écoutez. Je crois avoir trouvé dans les mathématiques et dans la philosophie des possibilités littéraires, et surtout des possibilités pour la littérature qui me passionne le plus, pour la littérature fantastique. Alors, moi, je me vois plutôt comme un poète, comme un homme de lettres, qui a entrevu les avantages, les possibilités des sciences pour l'imagination, surtout pour l'imagination littéraire. Oui, parce que justement, le mathématicien Guilbault a fait remarquer que quand on parle de science-fiction, d'habitude, il s'agit toujours de physique. Mais dans votre cas, justement, on pourrait dire qu'on se rapproche un peu de la science-fiction, mais il s'agit de mathématiques. Oui, de mathématiques. D'ailleurs, moi je m'y connais fort peu, encore moins qu'en mathématiques ou en philosophie. Je m'y connais fort peu en physique, en chimie, et même en arithmétique. Dans le temps, j'étais passionné de l'algèbre. Je peux le dire avec modestie, j'étais un bon algébriste et je n'ai presque rien compris à la physique ou à la chimie. J'aurais dû m'intéresser aux expériences qu'on fait à ce temps pour arriver à la Lune, etc. Mais tout cela avait été tellement dépassé par l'imagination littéraire, par des écrivains comme Wells, etc., que la réalité m'a moins ému qu'elle n'aurait dû être m'émouvoir. Do you know this author, Borges? I'm flattered to be thought of at the same time as Borges. Je suis particulièrement flatté d'être comparé peu ou prou à Borges. En fait, lorsque j'ai commencé à me lancer dans la science-fiction, je n'avais pas lu beaucoup de Borges. Puis, évidemment, à mesure que j'ai écrit davantage, je l'ai plus lu. En fait, je suis assez content de ne l'avoir pas lu plus tôt, parce que si ça avait été le cas, je ne me serais pas lancé dans la science-fiction. Parce que il y a pas mal d'histoires qui me laisse pantois. Je me dis, bon, ben voilà, tout est dit, la messe est dite, ça ne sert à rien que je me lance. Si je m'étais lancé après l'avoir lu, j'aurais senti une certaine vanité ou vacuité dans mon entreprise. Mais je ressens une affinité pour Borges. Je pense que Borges a réalisé un travail incroyable d'illustration de la façon dont les idées philosophiques et scientifiques peuvent s'imbriquer et bien s'asseoir dans la fiction. Et plus avant, il y a aussi quelque chose, c'est que ce que dit Borges dans cette archive, c'est qu'il y a la philosophie et les mathématiques. Et c'est vrai que quand on pense science-fiction, la science-fiction exploite plus généralement la physique, l'astrophysique et la cosmologie. Or, vous, Ted Chiang, vous faites partie de ces rares auteurs qui avaient essayé et qui avaient réussi brillamment à écrire des nouvelles de science-fiction en partant des mathématiques. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot et comment vous avez construit, parce que c'est difficile d'imaginer des histoires en partant des maths. I think, you know, the type of mathematics that usually makes it into fiction is probably more along the... Les mathématiques utilisées dans la science-fiction sont des mathématiques qui ont un penchant philosophique. La plupart des domaines des mathématiques ne sont guère exploitables dans la science-fiction. On ne peut pas écrire de science-fiction qui reposerait sur l'algèbre ou les équations différentielles. Mais vous l'avez fait. Non, pas en algèbre. Il y a certaines parties de mathématiques. Which are, you know, very closely aligned to, il y a des domaines des mathématiques qui sont liés à la philosophie. That I think can be treated in fiction in the same way that other philosophical ideas. Et ces aspects de la mathématique, on peut les traiter de même que l'on peut traiter certains aspects de la philosophie. Mais il y a d'énormes domaines des mathématiques qui sont si spécifiques, qui concernent des problèmes si précis, que là, c'est pas du tout possible d'en faire des histoires. Si on s'intéresse à la philosophie, specifically the, you know, sort of the areas of logic. Yeah, I think that's where, on peut trouver certains domaines de la logique où il y a des chevauchements avec la philosophie. Ces deux domaines s'intéressent à la logique. Et c'est ce type-là de mathématiques que l'on peut exploiter dans la fiction. Parce que, en effet, ce sont là des sujets qui ont vraisemblablement plus de pertinence par rapport à l'expérience du quotidien. Parce que la plupart des gens ne vont pas se servir des mathématiques pour construire un pont. Et donc, il y a peu de pertinence pour faire de la fiction. Il y a peu de gens qui vont se lancer dans des calculs pour connaître la pente qu'il faut pour une voie ferrée et à quel point il faut creuser pour que l'on creuse le moins possible pour que la pente soit acceptable. Bon, et ces aspects-là ne sont guère intéressants. Néanmoins, c'est les aspects logiques des mathématiques que l'on peut utiliser. Et évidemment, c'est lié aux aspects logiques de la philosophie. Yeah, I think it is possible to make a story out of. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Point de départ d'une nouvelle comme Division par Zéro, comment est-ce que vous vient l'idée et comment vous réussissez à la déployer, puisque c'est une nouvelle qui part de l'idée qu'il pourrait y avoir une inconsistance dans la mathématique, notamment dans l'algèbre, et que finalement le modèle mathématique pourrait être, pourquoi pas, totalement faux. Quel est le point de départ, quel est le point d'arrivée, comment vous déroulez ce type d'idée, Ted Chiang? Well, I guess... L'idée m'est venue alors que j'étais plongé dans une lecture à propos du théorème de l'incomplétude de Gödel. Gödel a démontré, entre autres, que les mathématiques ne pouvaient pas être à la fois complètes et cohérentes. Si les mathématiques sont cohérentes, elles sont incomplètes, et si elles sont complètes, elles sont incohérentes. On ne va pas trop se lancer dans les détails, si vous voulez bien, mais... En tout état de cause, dans les débats sur le théorème de Gödel, débat que j'ai lu, la plupart des gens partent du principe que les mathématiques sont cohérentes, mais par conséquent, elles sont incomplètes. Et moi, je me suis posé la question inverse. Qu'est-ce qui se passe si on imagine que les mathématiques sont incohérentes? Là où ça devient intéressant pour moi, là où je me dis que cela pourrait servir de base pour une histoire humaine, c'est la notion de cohérence, de régularité. Les mathématiciens sont très attachés à la cohérence. C'est essentiel, mais dans un domaine distinct, les êtres humains sont très attachés à la cohérence, à la régularité aussi. On s'attend à ça chez l'autre, mais aussi chez soi-même. Et je me suis dit que je tenais là un parallèle intéressant. Sinon, il y a l'idée du monde qui s'effondre intellectuellement. Si on montre que les mathématiques sont incohérentes, eh bien, bon nombre de mathématiciens vont trouver ça particulièrement déroutant. Et cette idée-là, on la retrouve dans une analogie avec la dimension humaine. Imaginez que vos hypothèses fondamentales, les choses que l'on ne remet jamais en question, votre perception du monde, eh bien, si vous vous rendez compte que ces hypothèses sont fausses, en quoi est-ce que cela vous touche? Comment est-ce que ça vous affecte? On va continuer à discuter avec vous, Ted Chiang, de ce nouveau recueil de nouvelles, Expiration, publié chez De Noël. On va essayer de rentrer un peu dans votre imaginaire à mi-chemin entre science, philosophie, conditions humaines. Ce sera dans la deuxième partie de cette émission. Oh, dead a call. Stars flying in the air. Sayol Haunted Head dans la méthode scientifique sur France Culture. Notre invité spécial du jour, et nous sommes ravis de l'avoir, est Ted Chiang, dont le nouveau recueil de nouvelles, Expiration, est sorti chez De Noël, traduit par Théophile Cerciron. Ici, c'est Xavier Combe qui s'occupe de la traduction. Ted Chiang, j'aimerais qu'on parle un peu de votre imaginaire de science-fiction. Vous l'avez dit, vous commencez à lire de la SF très tôt. Vous parlez de Asimov et Clarke. Moi, j'aimerais vous demander, aujourd'hui, quelle est la première image, le premier concept de science-fiction dont vous vous souvenez, qui vous a marqué et qui vous a poursuivi en tant qu'enfant ou en tant qu'adolescent? C'est difficile à dire. La première image, je devais avoir 9 ou 10 ans, et je lisais des choses sur les serpents de mer, par exemple, ou alors Bigfoot, vous savez, ce géant que l'on ne voit jamais, ou alors les ovnis, ou les astronautes d'une époque révolue. Vous voyez, les idées qui sont à la limite de la science. Mais à cet âge-là, je ne comprenais pas très bien la distinction entre la science et au-delà de la science, l'au-delà de la science. Mais les serpents de mer, par exemple, ça ressemble à la science, mais sinon il y a cette étrangeté fascinante. Quand j'ai commencé à lire de la SF, eh bien, cela m'a apporté le même genre de plaisir que celui que j'ai éprouvé en comprenant la différence entre la science et la non-science. Parce que la SF vous offre les plaisirs de la science, mais étant donné que c'est présenté comme de la fiction, ça ne revendique aucune notion de vérité. Vous avez l'étrangeté, d'émerveillement dans la SF, et c'est ce que je ressentais à la lecture de cryptozoologie, par exemple. Donc, la science et l'étrangeté. On ne revendique pas la vérité, hein, parce que quand on lit beaucoup sur les serpents de mer ou des choses comme ça, ça peut quand même faire des dégâts, hein. Particulièrement quand on est jeune, parce qu'à ce moment-là, on n'est pas sûr de ce qui est scientifique et ce qui ne l'est pas. Mais ce risque de confusion ne m'habitait pas, parce que pour moi, la science-fiction, ça combine la science et l'étrangeté sans créer de confusion. Voilà. Donc c'est difficile, pour répondre à votre question, pour moi, d'identifier une seule image de SF qui m'habite encore aujourd'hui. En tout cas, je ne me souviens pas de la première image, mais d'une façon plus générale, le fait que la science-fiction pourrait associer aussi bien les plaisirs de la science, la beauté de la science, et l'étrangeté, c'est ça qui me fascine dans la science-fiction. Et si ça devait être un livre, alors c'est là aussi une question toujours un peu difficile et un peu délicate, mais vous pensez que le livre qui a eu le plus d'empreintes sur vous et sur votre carrière d'auteur, quel serait-il ? Je dirais peut-être un recueil de nouvelles intitulé « La théorie des particules ». L'auteur est Edward Bryant. Il n'est pas extrêmement connu, il a remporté quelques prix dans les années 80, mais cette collection de nouvelles, ça a eu un très gros retentissement sur moi. Il y a beaucoup d'écrivains qui m'ont touché, bien sûr. Mais je ne pense pas que mon travail ressemble au leur. Mais s'agissant d'Edward Bryant, je crois que mon travail ressemble au sien. Quand on lit la théorie des particules, on voit quelques similitudes. Mais ce n'est pas le cas lorsque l'on lit les auteurs qui ont eu un très gros impact sur moi en plus de lui. Ensuite, je me rends compte que les éléments scientifiques et la dimension humaine doivent se renforcer les uns les autres dans une histoire. Nombreux sont les gens qui pensent que l'un des éléments s'exprime au détriment de l'autre, mais dans le travail d'Edward Bryant, les deux éléments travaillent de concert, et pour moi, ça a été une véritable révélation, et c'est ce que je me suis efforcé de faire dans mon travail. Comme beaucoup de gens, il y a aussi quelque chose qui vous a marqué, qui a certainement marqué toute une génération, notamment en Amérique du Nord, c'est un programme télé. Est-ce que Ted Chiang aurait été Ted Chiang sans Cosmos et Carl Sagan? Without Cosmos and Carl Sagan, that's a good bonne question. Carl Sagan and Cosmos definitely Cosmos et Carl Sagan, had a big impact. Eh bien, cela a eu un gros retentissement sur la façon dont je pense la science, dont je pense l'imaginaire scientifique, dont les scientifiques perçoivent l'univers. Et Carl Sagan a, entre autres choses, su expliquer la merveille qui habite les scientifiques lorsqu'ils essayent de comprendre l'univers. Quand on comprend l'univers, la magie peut rester, contrairement à ce que de nombreuses personnes peuvent penser. Il y a donc une sorte d'excitation que l'on ressent dans la perception de la beauté qui sous-tend tout ce que l'on voit. Oui, ça me parle complètement, ça. I didn't so much learn science from Carl Sagan. Je ne l'ai pas apprise chez Carl Sagan, je l'ai davantage apprise chez Asimov. Mais Carl Sagan m'a fait apprécier, une sorte de révérence dans l'apprentissage de la science. Le sens de l'émerveillement. Oui, c'est ça, oui, exactement. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. À expiration, Ted Chiang, donc deuxième recueil de nouvelles après La Tour de Babylone en français, en anglais Stories of Your Life and Others, qui est le titre de la nouvelle qui va donner au cinéma, et on en reparlera tout à l'heure, l'adaptation de Denis Villeneuve, Arrival, Premier Contact en français. Expiration, c'est donc un recueil de neuf nouvelles et dans lequel on peut commencer, puisque c'est le deuxième recueil, à voir certains schémas, ou en tout cas peut-être des constances dans votre écriture. Et moi, quelque chose qui m'a frappé, Ted Chiang, c'est cette façon dont vous revenez, vous remettez toujours le métier, le travail sur l'ouvrage, pardon, cette façon dont vous revenez systématiquement à cette question de qu'est-ce que notre libre arbitre ? Est-ce que nous sommes libres de faire les choix que nous faisons ? Yes, yes. Free will is a topic that I oui, seem to be vous avez raison. Le libre arbitre, c'est un sujet récurrent chez moi. Keep writing stories about free will. Le libre arbitre, c'est pas quelque chose que je choisis de traiter délibérément. Mais lorsque je commence à jouer avec certaines idées, eh bien, je me rends compte que ce qui m'intéresse dans ces idées, c'est la façon dont elles s'articulent par rapport à la question du libre arbitre, justement. Donc, au bout du compte, j'écris à propos du libre arbitre sans que cela soit une intention première. It is not my goal cela dit, mon objectif to suggest to people that they n'est pas don't have free will, de sous-entendre que nous n'avons pas de libre arbitre. Non. Yeah, I think that the idea that maybe we don't have free will is l'absence de libre arbitre, c'est une idée intéressante, et cela constitue l'un des éléments qui m'attire sans cesse dans le rapport entre la science et la dimension humaine. Comment comprendre la science, l'univers, par rapport à notre expérience? Mais le libre arbitre, nous l'avons bien, c'est-à-dire dans notre volonté, la capacité d'agir, la capacité de pouvoir, mais il y a une ambiguïté dans ce terme de libre-arbitre. Il faut disséquer ce terme pour bien en saisir les tenants et les aboutissants. Mais lorsque l'on se lance dans des détails et que l'on trouve le véritable sens de cette expression, le libre-arbitre, on arrive à la conclusion est que oui, nous avons un libre-arbitre, mais il faut faire un certain effort pour le comprendre. Alors, on a du libre-arbitre, en même temps, il y a quelques nouvelles qui nous laissent penser que les choses ont été un peu déterminées pour nous, avant que, en nous enlevant une responsabilité dans nos actes. Vous en parlez notamment dans deux nouvelles. Vous pouvez peut-être nous en dire un mot et dire justement quel est le lien qui peut les unir dans Le Marchand et la Porte de l'Alchimiste, et également dans une toute petite nouvelle de 2-3 pages à peine qui s'appelle Ce qu'on attend de nous, que je trouve particulièrement savoureuse. Peut-être que vous pouvez nous expliquer comment vous liez finalement cette interrogation avec deux récits qui sont pour le coup radicalement différents. The very short piece. What's expected of us. Ce qu'on attend de nous, c'est une nouvelle très brève, oui, et qui explique que peut-être que nous n'avons pas le libre arbitre. Mais je pars du principe dans cette nouvelle d'une notion qui ne s'applique pas dans notre univers. Les informations nous viennent de l'avenir, des signaux nous parviennent du futur, vous voyez. Alors, ça n'existe pas dans l'univers. Peut-être que ça ne peut pas exister dans l'univers, d'ailleurs. Mais si ça existait dans l'univers, ce serait un problème. Mais ça n'existe pas. Par conséquent, ce problème n'existe pas dans notre univers. C'est pas une raison de se préoccuper. C'est une idée intéressante. Ce serait intéressant de savoir ce que cela pourrait provoquer si ça existait, mais ça ne s'applique pas à l'univers tel que nous le connaissons. Et Le Marchand et la Porte de l'Alchimiste, c'est une autre histoire. Là, le message n'est pas que nous n'avons pas de libre arbitre. Les choses ont été déterminées pour nous, malgré nous tout de même. Je crois que le message que j'essaye de faire passer dans Le Marchand et la Porte de l'Alchimiste, et je crois que je vais expliquer ce qui m'est venu à l'esprit lorsque je me suis lancé dans l'écriture de cette nouvelle. Dans cette nouvelle, on ne peut pas changer le passé. Et c'est vrai pour nous dans notre vie. Vous en conviendrez. À l'heure actuelle, on ne peut pas changer ce que nous avons vécu. Au mieux, nous pouvons modifier nos sentiments, nos perceptions de notre expérience. Nous pouvons changer notre relation au passé, même si on ne peut pas changer le passé lui-même. C'est ce que découvre le narrateur de cette nouvelle. the situation that we all face. Et c'est une situation que nous connaissons tous. Yeah, we cannot change the on ne peut pas changer les événements que nous avons vécu, mais on peut peut-être modifier la façon dont ces événements nous affectent. It is my intent, ainsi, I guess, that moi, mon intention, that is a hopeful c'est de faire passer un message d'espoir. Even if we cannot change the past, même si on ne peut pas changer le passé, il nous reste la possibilité de guérir, en quelque sorte. Il y a une autre, constante, ou en tout cas un autre thème que l'on retrouve entre vos deux recueils. Dans ce recueil Expiration, une nouvelle qui est aussi une des nouvelles, tout le recueil me plaît, donc je vais peut-être pas le dire à chaque fois, mais une nouvelle qui s'appelle Omphalos sur l'hypothèse créationniste, dont on trouverait des traces archéologiques, c'est-à-dire qui serait prouvée par la science, et qui fait penser évidemment à Hell is the absence of God de la tour de Babylone, le paradis et l'absence, l'enfer, et l'absence de Dieu, où l'Ancien Testament est en fait un livre historique et scientifique réel. Vous avez la volonté comme ça, et ça interroge aussi sur le libre arbitre, d'incarner la religion dans la réalité scientifique. Je m'intéresse aux différentes façons que l'on a d'appréhender l'univers. Et la religion, eh bien, c'est une perception de l'univers qui est différente de la mienne. Mais c'est intéressant, à mon sens, de réfléchir aux conséquences de cette perception de l'univers par la religion. Et là, il y a plusieurs aspects intéressants. Tout d'abord, il y a l'émerveillement. On en a parlé précédemment, l'émerveillement que connaissent les scientifiques. Parce que dans le passé, on ne pensait pas qu'il y avait d'opposition entre la science et la religion. Il y avait des scientifiques qui étaient des fervents croyants. Et leur travail de scientifique, ils le percevaient comme étant un travail à la gloire de Dieu. Plus on comprend l'univers, plus on comprend le fonctionnement de l'univers, plus on apprécie les réalisations de Dieu. Voilà ce qui les animait. Et ça, c'est une idée importante à mon sens. Cet émerveillement que connaissent les scientifiques lorsqu'ils découvrent quelque chose, c'est à mon avis assez similaire à la peur, la fascination, le choc intellectuel et émotionnel que procure la religion. Il peut y avoir des similitudes à mon sens. Et moi, je m'intéresse justement à cette idée-là. Je voudrais pouvoir m'approprier cette idée. Mais l'enfer et l'absence de Dieu, c'est une nouvelle qui part dans un sens différent. Dans cette nouvelle-là, on est plus dans les implications morales d'un Dieu qui intervient dans notre monde. Et il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est justement ça notre univers. Ces gens pensent que lorsqu'on a des problèmes, c'est la volonté de Dieu. Et lorsqu'il y a des bonnes choses qui vous arrivent dans la vie, c'est la volonté de Dieu aussi. Bon, ça, c'est impulsif, hein. C'est d'une très grande spontanéité intellectuelle. Néanmoins, ce n'est pas sans poser des problèmes. Et cette nouvelle, c'est en fait une tentative de creuser le sillon de ces implications le plus loin possible, le plus profondément possible. Mm. Et du coup, philosophiquement, je me suis posé la question en relisant ce recueil, Ted Chiang, entre cette condition d'homme prisonnier sans libre arbitre, on a une nouvelle, je ne vais pas révéler laquelle, mais qui induit tout de même que toute vie, en augmentant l'entropie de l'univers, contribue à sa destruction. On vous sent assez proche quand même, assez schopenhauerien, en tout cas assez pessimiste dans votre conception de l'univers. Qu'en pensez-vous ? Non, I don't think so. Non, je ne dirais pas ça. Because I guess, as I said before, I think we do have free will. Moi, je pense que nous avons quand même un libre arbitre. À mes yeux, le message de la nouvelle intitulée Expiration, ce n'est pas que nous contribuons à l'entropie de l'univers. C'est merveilleux, miraculeux de savoir que nous sommes le résultat d'un univers qui a surmonté un certain nombre d'obstacles physiques et qui a suivi des processus physiques. C'est une merveille, notre présence sur Terre. Et nous devons cesser d'apprécier notre présence sur Terre. Le fait que l'univers ne soit pas éternel, ce n'est pas une raison de désespérer. Ce n'est pas une raison de penser que la vie ne mérite pas d'être vécue. Nous avons encore beaucoup de choses à apprendre sur les heptapodes. Du grec hepta pour sept, podos pour pied. Sept pieds. Heptapodes. Qui sont-ils ? Tenter de répondre à ça avec un minimum de pertinence est compliqué par le fait que, bien que nous puissions les voir et les entendre, les heptapodes ne laissent absolument aucune trace. La composition chimique de leur vaisseau nous est inconnue. La coque n'émet ni déchets, ni gaz, ni radiation. À supposer que les coques communiquent entre elles, elles le font sans être détectées. L'air qui sépare les coques est dépourvu d'émissions soniques ou d'ondes lumineuses. Sont-ils des scientifiques ou des touristes? S'ils sont des scientifiques, ils ne semblent pas poser énormément de questions. Pourquoi ont-ils atterri où ils l'ont fait? Les experts mondiaux les plus distingués butent sur ce point. La théorie la plus plausible est qu'ils ont choisi les endroits du globe les moins frappés par la foudre. Mais il y a des exceptions. La seconde théorie la plus plausible est que Sheena Easton a sorti un tube dans chacun de ses sites dans les années 80. En gros, on n'en sait rien. Comment communique-t-il? C'est là que Louise nous remplit tous de honte. Son premier exploit a été de découvrir qu'il n'y a aucune corrélation entre ce que dit un heptapode et ce qu'il écrit. Un mot rapidement pour finir, Ted Chiang, on ne peut pas se quitter sans parler de l'adaptation de votre nouvelle au cinéma par Denis Villeneuve, Arrival, Stories of Your Life and Others. Est-ce que vous avez aimé cette adaptation? Est-ce qu'il y a d'autres nouvelles qui sont en cours d'adaptation? Est-ce que vous auriez envie d'écrire pour le cinéma? I was very happy with the movie Arrival. L'adaptation intitulée Premier Contact en français me plaît beaucoup. Je crois que ça fonctionne bien. Ça fonctionne comme film en tant que tel et ça fonctionne aussi en tant qu'adaptation de ma nouvelle. Alors, est-ce qu'il y a d'autres projets? Eh bien, oui, il y a certains projets qui sont particulièrement embryonnaires. Hein. Donc, il est possible que certaines adaptations voient le jour. Mais bon, il ne faut pas être trop optimiste. Il y a plus de projets que de réalisations. Is a rarity. Les choses qui se font sont rares. Et est-ce que moi je veux écrire pour la télévision ou le cinéma? La réponse est non. That is not my medium. C'est pas. I think that. Ce n'est pas mon domaine de travail. Moi, j'aime beaucoup la télévision et le cinéma, mais c'est un langage que je comprends, mais que je ne parle pas, si vous voulez. J'aime bien ce qui se fait dans la télévision ou dans le cinéma, mais encore une fois, ce n'est pas un langage que je maîtrise pour raconter des histoires. Et pour conclure, le prochain recueil, toujours des nouvelles. Vous n'avez pas envie de vous atteler à un roman. Le format court vous convient. Sur quoi travaillez-vous pour la suite? I expect that I will keep working on short stories. Je crois que je vais continuer à écrire des nouvelles. Je n'ai aucun projet de roman. Je suis pas contre l'idée d'écrire un roman. Mais il me semble que les idées qui me viennent sont des idées qui sont mieux traitées dans le format de la nouvelle. S'il me vient une idée dont je pensais qu'il fallait que je l'exprime dans un roman, eh bien, j'essaierai, oui. Mais ça n'a pas encore été le cas. Et je ne pense pas, je ne me sens pas obligé d'écrire un roman juste parce qu'il faut écrire un roman. Il me faut une idée propice à l'écriture d'un roman. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Merci beaucoup d'avoir été en notre compagnie pendant une heure, Ted Chiang. Thank you very much. It was a pleasure to be here. Expiration, c'est donc publié chez De Noël, traduit par Théophile Cerciron. Merci également à Xavier Combes pour la traduction, Ted Chiang, que vous pouvez lire également son premier recueil de nouvelles, La Tour de Babylone, c'est également chez De Noël et chez Folio SF en poche. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Eve Etienne, Céline Lezen, Noémie Naguette Saint-Vulfran, Natacha Triou, François Malordi, Antoine Beauchamp, Alexandra Delbo, Olivier Bétard à la réalisation, Élise Le à la technique. La semaine prochaine, je vous laisse entre les mains expertes d'Antoine Beauchamp avec au programme lundi, on parlera d'ARN messager, qu'est-ce que c'est, comment ça marche, et puis un point sur la vaccination également. Retour mardi sur la mission Hayabusa 2 et les échantillons collectés de l'astéroïde Ryugu. Le microbiome marin à la veille du départ d'une nouvelle expédition Tara, ce sera mercredi. Réveillon de Noël dans la grotte de Chauvet jeudi, qui vous révélera donc tous ses secrets. Et table ronde rétrospective de l'actualité scientifique de l'année, ce que vous n'avez pas pu rater et ce qui est passé entre les gouttes. Ce sera vendredi. Demain à 16h, vous retrouvez Étienne Klein. On se retrouve dans La Méthode lundi à 16h, jusqu'à preuve du contraire.